بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به وقال الذنون رضي الله تعالى عنه من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله تعالى فإنها تذوب وتظهر ومن نظر إلى عظمة الله تعالى وسلطانه وسلطانه ذهب سلطان نفسه لأن النفوس كلها صغيرة عند هيبته فإذا حصل العبد على هذا المعنى من التواضع تواضع للخلق لا محالة لرؤية نسبتهم من الحق تعالى ولذلك قال في العوارف ومتى لم يكن للصوف حظ من التواضع الخاص على بساط القرب لا يتوفر حظه من التواضع للخلق إلى آخره kon batay ci walu adamul amna bi makrallah ta'ala nonam ñak wolu fexem borom subhanahu wa ta'ala manam fi nga xamantene mom lay mëna jaar nit ki ba yaq ay mbirum wal a'yadu billah te du ko yek ngir xelam bu dal bu reuy mo koy waral lolu ñak gi nga xamantene manam ñak ko wolu lolu mom charge bobu la tolon ni jurom 5e jurom dedet wala jurom benel bi ok jurom benel charge 6e charge voilà mo nekone jurom benel charge legui fi nga xamantene mom la ci tolon manam moy lolu non dafa wara lekkolo tout temps bon day lekkolo ak nit ki wacce bopom manam parce que li geuna gaaw ci yobbu nit ci côté bobu wala moy xébaté tout la doy dala japp ne geun nga kenn hein leng wala wala tax sa ban ya xel annaka geun nga kenn dem naw bam la woré anna umraka jeexagul comme li wala fi di wax rek aduna mom pot ndala wala aduna ak wéru koor ñoyam fek de jotul dok jotul wa ko juugu wéssagul ah fek ne ko dok jotagul rek yow léragul ne bis bi di ng ko matal ci koor bi a tout instant mën nga juum lek ba nga nan ba am fièvre bu la dal ba tax do ko dina sa koor wala et cetera aduna non la mel rek a chaque instant dara mën na xew lu tax la Allah ya nang la sa han wa ndax nit dafa doyo nit dafa faible mais ci lañu ci jotay bi US fofu lañu wax man faiblesse doomu adam manam touti bi mu touti déjà par rapport ak aduna bi manam buñ ko xolé hajmo bi manam volume bi muy occuper ci espace bi dafa touti par rapport ak aduna bi manam c'est vraiment insignifiant c'est insignifiant bu ñu xol lool manam dañ nan c'est négligeable devant quelque chose mathématicien bu ñu wax dara wala bon physicien quoi manam ak toute science yi tourner autour de yoy dañuy faral d'utiliser expression bobu telle chose da dox na c'est un voilà négligeable devant nanga manam c'est environ nul voilà donc amul ben valeur en fait nit non la mel manam boko xolé espace bi occupé so xolé tamit ki bi mi occupé manam temps bi mi dundou tamit non la mel temps bi mu dundou xolal l'histoire nga jël histoire bi mu tambalé légui temps bi biñ fi xam doomu adam ak bi mi fi dem ba kenn doot ko xamat digënté bobu ni mu gatté ci bir histoire manam ni mu touté manam dafa touté subhanallah bok na ci ndariñu moy comme li nga doon wax legui ci affaire hadith am solo ñu am solo bok na ci ndariñ li moy le fait que ngay remarquer kanam ni aduna bi gatte non boy remarquer ngay gis génération ni ñi rombé ha nga gis né génération sahaba yi nga dem ñu jall après mais vite fait ça veut dire que day melni dimb manam boy traverser génération nan bi ñoom ki dik après ñoom di ñoom ñi la génération bi ñoom ñi la après ñoñu c'est génération après bi génération ñoom ñi ñoñu d'ailleurs ñi fi enté nañu manam nga gis affaire bi ni mu gaawé automatiquement nga retracer ki chronologie ñi jamono ñoom ki bi ñëwé hein mais lu ki manala mais dafa gaaw hein lu gaaw la lu gatt sak lu gatt la alors que manam ki xamul yoyu mom day gis ni lolu lu yagg la bu ñu tuddu borom xam xam bu mag ni comme ay al-ghazali ak yoyu alhamdullah day gis ni dafa yagg alors que bo xamé par exemple ki isnad yoyu non da ngay gis ni mais yagul dara barki demb la manam hein mais barki demb la yagul voilà manam génération parce que ni génération bi di ki wé la quoi ni voilà ni ñu lekkulo manam ci gatal la nit ki boko xolé mom ci bopam point bi ni mu représenter tant ci histoire ko dara légui hein waxon nga ko fi jotay bi parce que nit ki entre mu muy juddu wa ak ñukoy faté 2 siècles wa 2 siècles le maximum wa 200 ans wa lool moy nit ni d'ailleurs lool souvent c'est koku il est au-dessus de la moyenne il est au-dessus de la moyenne ko xamantene pendant 200 ans quand même touram mi ngi dess ci aduna mom il est au-dessus de la moyenne parce que digënté bi muy juddu kenn xamuko muy tambalé ci ñaari nit xam ko muy ndayam ak bayam après wa kër gi ginnaw gi muy ñëw et cetera manam ba kérok ñu koy xam ci aduna bi ni muy siw après ñu wëlbeutiku ba moment bi mi dé après parce que lolu nit ki souvent bala muy yegg niveau bobu nga xamné day am popularité bobu en général day yag légui après mu dé bu déwé digënté bobu surtout bu mo biko domam yi di ñaanal ndaysan ñom dinañ koy di ñaanal domam yi mais après cette mi peut-être ñiko ci ñaanal duñu tak comme ni diko domam yi doon ñaanal mais après benen génération bi l'oublie hein c'est bon il est passé aux oubliettes ah oui après c'est bon hein do ko faati di ko ci sax lu upp ci ñun buñu jëlé sen waxuma lañ buñu xolé kacc ñaata sen mam bu féké sen papa dundatul wala sen yaay dundatul manam légui ñoom ñi leen jur tañ lañ leen gëjë ñaanal li upp ci ñun danaka c'est aux oubliettes manam ñoom sen bop dañuy faté tañ lañ gëdë tuddu sen mam joju ñaanal ñoom sen bop lañ koy faté hein bo ci bolé le fait que benen génération mom parfois touru mam bop ci ngop bop nga dul xam manam buñu jëlé tour bi ci bopam nga do xam moone ku sa papa modou kuy bayam ñu né ibrahima kuy bayam nga ni demba nak ku doon bayam ah non lool par contre xawmu ko allo le han ki mo ko jox lu kemam la ha wa manam bo pare dafa gaaw allah donc lolu nak yoy yep day waral doomu nit ki dafa wara am ben humilité bu mu am par rapport ak lolu yep lolu bo ci bolé ak faiblesse physique nga xamanteni physique bi ci bopam dafa am ay limite yu reuy beutum dafa am fumu yam manam beut bi munul di xol ba beut par exemple munul beut mur bi daf koy limiter niki nonou même buñ baye won ni land foy gi ni baye lepp ni muy xol horizon day am ben moment horizon fu ñu ñuy wax horizon voilà fofu beutum nga xamne day melni asaman sek sous dañ fa manam du gis li ci teggu parce que beutum mo limiter fi mu yom tank bi de toute façon mëno ko talal bo taxawé ci ben place mënoko talal lu upp distance bi tolok ñaari tanki manam mënoko talal bo écarté won ni manam mënoko talal lo problème dox tamit nit ki dafa am fu muy lu muy meuna dox après mi day sonu tok xaar ba noppal wat dogu jugal jëna tan sam doxal manam dafa am ay limite noppam non dafa am lo xamantene fek son bi yeggul fofu dogu deg mu am lo xamantene bu fa sonu ba xese bu wessu day yak say nopp et cetera topal lool ci lepp lool nak bokul sax nak ak longueur d'onde yi nga xamantene yow ce champ de vision fofu lu meuna nek ce champ de vision fofu lu meuna nek entre 0,4 micromètre 0 ak 0,6 micromètre lolou boko xolé digënté bob ci nga meuna gis lepp lu nekul ci longueur d'onde bob doko gis moy way xam ko mala ta la won yalla bind na lolou xamul parce que yi ngi mënul gis yépp xamulé parce que digënté champ bi nga dul gis dafa gatt li ni ni cousin bi ni ñu ko xoron tay ci microphone bi gis ni am ñu nekk ci biir voilà waye ñu ñu ko tek mëno lan ko mëno ko tek beut donc lepp lo xamantene longueur ci longueur doon bi mëno ko gis imagine bu dé 0,4 0,6 ci digënté bob ngay xol ba paré micromètre la lu mètre du sax cent du sax millimètre manam ben micromètre mom moy manam ben millimètre bo divisé par 1000 loolu mo micromètre lepp lu nekul ci longueur d'onde digënté bobu 0,6 encore manam bu sax 6 bu sax 4 ak 6 mais 0,1 ce qui veut dire que 1 mm ngay diviser par 10000 pour mëna am unité yoy té lu nekul ci longueur d'onde bobu mënoko gis mais xolal entre moyen infini ak plus infini ci digënté bobu yépp do gis dara yow xamoo ci dara yow doom adam nga manam c'est da nga limiter par rapport ak lolu xamoo ci gisoo dara té yépp nak ñi ngi fi di nekkato ak yow yalla bindal do len ci sa même aduna bi té do len gis do len dégg ngeen di mbeukenté ngey tassé ñom ngeen di ngey dem di dik di def ak ñu yépp ñuy dundalo ak yow té do len gis do len dégg amok ñom ben relation amok ben relation yalla di len dundal fi comme yow ñuy nekk fi nekk société comme yow di def li ñuy def yépp comme yow mais amok ñom ben relation parfa fi ngeen dekk ngeen di bokk dekk amna sax ñoo xamantene da ngeen di bokk dekk te mënoo leen fi jëlé bu demé nek ay ñoom jinn naka yek ay ñooñu parfa dañuy dekk ndok yow ci même kër gi aménager cet espace ci même kër gi te do leen fi mëna daxé do leen fi jëlé di jur seen doom di dem di jur seen doom di dem ak dik waxuma la nak ngarantani xorondo bi seen pax yi man fi ñu dekk en même temps ci même espace bi nga dekk yow ñuy dund comme yow te ñooñu mën nga leen gis lan ngay xalaat ci ñi nga mënul gis yep day wala sa faibles yo nit deug hein li mu xamul fouf lu mu xam legui nak lolu mom moy voilà legui lolu moy volé xam xam bi li nak bo benen volé la bu important mais imagine le volé katan bi manam le fait que yow nga meuna am liberté wu di def lula neex di def li nga bëgg manam japp ni yow fi dal boko aménager kenn waru fi dekk ak yow lu lu xana ko la neex alors que dedet yalla bind ay bindef ñu dekk ak yow fi leg leg sax ñu ñoo créé yalla deug rek do fess non nga bëgg na la way ho kenn mënta na la ndax wéñ waaw bona ñu ñoo wéw ha ma bara tek tek ci sa kaw na waaw téggu ci sa kaw waaw bu ko défé yow affaire bu dalay gêné bu do mëna na la nga leen di faxas ñu ñëwaat yeb day wala sax miou doola Allah han sax dayale nit naturellement dafa dayale benen mbir bi gëna graw ci bir dayale gogou té mom moy nit ki en tant que jam dafa limité ala kulli hal manam waxuma sax ci sens yi mais même ci forme bi manam subhanallah bo xolé bu amone loolu jeex ci alal xam nga loolu amul mais buñ ko waxe nañ ko waxe non manam loolu jeex ci alal du sañ di lek lu ko neex mba muy nan lu ko neex mba deedet loolu du ko sañ parce que su ko defé après wirgu yaram mo yaqku santim du mbir mi nu mu neexé rek nga lekke mu mbir mi gëna niiné di gëna sax suuga ak gëna sax xorom di copier comme ni nga wax le repas est copier di gëna copier hein di gëna délicieux rek cëri da ngoy lekke non ama dam parce que lool soko defé au bout de quelques années un grand maximum da ngay fièvre fièvre bo xamné dañ nan légui da ngay wañu soukër ci bu bëggé dundu en tout cas wañu soukër ci wañu xorom ci doto nan café donan ataya yap bi aussi legui da ngay wañi consommation bi legui manam voilà chef d'ailleurs chef comme que dafa am tel ou tel produit dafa am tel ou tel matière bon legui yow monoto ci lek bis bu jot fo nga lek ci rek nangam voilà et cetera nangam cuillère waaw non régime drastique le so ko deful après nga dé ngoweke mu jeex ah lolo fi sos weke lolo rek fi sos manam do adam dafa so kon ginnaw lol lan la nit vraiment lan motax muy reuy pas attention hein aka bari ko xamantene borom doole la borom katan la won ni muscle yi yep di genn ci biti nga gis bo gisé muscle yi sax ni da ngay gis sidit ni mi nek ci kaw ngir am doole waaw mu jek jek daanu fever fever bo xamantene soko rombé da ngay gis ni mu yoyé manatula lek manatula maam yu bari manatuko fa daan legui dafa bo buñ ko gisé sax doñ ko xamé ñaatu nit la ñaatu nit ñom ñoy reuy reuy lu ci kaw suuf wala bok ñu am lu mu jeex ci alal waya ñu téll ben moment bo xamanteni dañuy ben situation bu ndaw ñu dugg ci ah ñu dugg ci coma bu dul bo xamanteni ay at lay duré mënatu ñu dara ñaata nit ñom ngay gis ñu nekk en forme ni seen xel ñor wir bu yaram bu extraordinaire ay ati ak duñu febar amul lu leen di jël amul lu leen di jaaxal ñu jek jek benn vaisseau bu ndaw ci seen bop bi yëngatu ñom AVC mënatu ñu yëngatu dootu ñu mënatu dara ha wax ju leer dootu ñu ko mënatu dootu ñu mëna doxati seen soxla mom paré nañ ci ñaata nit ñom ñoo am seen dundu gi normal ñu nekk ci bonheur comme niñ koy waxe et cetera ben jour wala ben goudi wala ben beccuk rek ñew ñuy jaar ci mbedd mi ben auto feul leen ñu paralyser mënatu ñu yëngatu mënatu ñu defat dara waxuma la ñi dé mais manam c'est à dire que li tax ba mbir mi tourner au drame comme niñ koy waxe dafa gaaw way bu yémi manam nit ki mom en tant que doomu adam mi ngi ci au bord du gouffre. La situation peut basculer d'un moment à un autre. Exactement. Légui tay mom ci manam xottu guerte li nane dundum mi ngi ci xottu guerte en réalité dundum ci loxol borom bi la nek subhanahu wa ta'ala way suk manam num ko neex dong la koy wolbeuté et le plus rapidement possible pas de délai ah waaw waaw motax tamit xolal Allah gis nga bo xolal li ñu wax printemps arab suñu xolé né ban na la 2012 mais buñ xolé 2011 période biñ leen daana ñoom ñoom ñep kuñ ci waxon ne ko diwen manam tay tay le jour sangam manam diwen jour bi wala bok ñu la on est quel mois bon à titre d'exemple ñu né janvier lañ né ngi né on est le quel ngi ñu né le 16 janvier ñu né ok le 16 janvier lañ né ngi né ko dans un mois ça veut dire le 6 février février 16 bi ñu manam un mois place bi nga togué ci palais bi en toute tranquillité do taf tok destitué nañ la kenn mi ci ñoom duggu gëm kenn mi ci ñoom duggu gëm bour yoy yépp amul kenn ku ko ci gëm té pourtant lolo xew sa borom lolo la def manam lu ko nit mom le leppam précaire voilà dafa précaire dafa am précarité bu reuy reuy reuy na han wa amul dara lu taxaw lepp ci loxol borom bi la mo tax li ku yew day xamne lepp ci loxol borom bi la nek bu xamé ne lepp ci loxol borom bi la nek rek mu baye ko lepp mais ku mel nonu tamit la budde mu torlu borom subhanahu wa ta'ala du abadam muy japp ne mom kenn la wala len la day incarner haqiqatan batu la hawla wala quwwata illa billah kenn amul katam te kenn amul soppandiko di meuna wërbeuti mbir yi wala muy am pexé ludul xana ci yalla Allah kess motax koku ku mel non day comprendre ni xolam da ka wara jël rek acc ko ci kan borom subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala mom mu mel nan mu incarné wu en tant que diam mu baña am benen considération ci bopom loolu ne mom lan la diam la diam la kan mo fi nek muy yalla muy borom subhanahu wa ta'ala lenen loolu ni ku japp ne lenen amna lenen lu bokut ak li en réalité ci ay def def la nek mom ay imagination ay faux et illusion ci la nek ay woro ci la nek amul dara fi ludul ne yalla ko amal yalla la neex mu nek fi suko neexul bu nek situation bi am tay la am mais euleuk xamul lan moy xew kenn xam ko yalla moko xam and ak lum la jox garantie ne la nangam dana xew yow sey mbir worna bu la ko waxon sax ba nga deg ko sax xamulo ban ci yane condition la ko tek te waxuluko lolu kon moy wone ki wu doom adam manam ak doya doom ak daf koy wax manam nit ki bu comprendre lolu du xébat ndax borom subhanahu wa ta'ala bi mu la defé tay nga nek julit bu ko gëm mu nek xewul bu ruy bo xamanteni xewul fété wu ko comme ni alquran di netali ki nga xamanteni mom mo nek comme bir aljanna bu ki nek bir safara bim nan man day amna ben kuma dan andal ko xamne daf dan wax ne mom da dan weddi ne bis bi dina am ñu ne ko xolal yeural mu ne fatala faraahu fi sawa'il jahim mu dadi xol gis wajoju ci bir safara jahim mu gis ko ci bir muneko tallahi in kuntu la turdin falawla ni'matu rabbi lakuntu min al-mukhtarin watna ci yalla ni xaw tuti rekate tutete mom nga delo si wu bu ngum gi ma nekki won du meuna du ma ci nek ci ngay xame danger wu di andak ju baxul parce que même bo mutié tout était do muccu mune sunul won sama xewul borom subhanahu wa ta'ala konon tam tay place bobu lay nek comme yow ci bir safara joxe waaye ki nga xamé xewul gu maga mag bi yalla defal nit ñi ko gëm ba tax melu ñu ne ko parce que lool rek la parce que xewul bi mu la defal ba nga nek ku gëm mom la xanké motax ne gëm fi amul leneen na yow nak teranga gep teranga la la yalla defal bi mu la tanné boole la ci ñi nga xamantene dana def ci seen xol gëm teranga la bu amul teranga gu fété ko wala bok lutax parce que tout simplement mom moy ciosanu yeneen teranga yi légui so xolé lolu situation bobu ak hadith bi yenen tibi waxna sallalahu alayhi wasallam ma min qalbi illa huwa bayna asba'ayni min asabi ar-rahman yataqallabu kayfa yasha amul ben xol ludur mu ngi ci digeunte ñaari barami borom bi subhanahu wa ta'ala bi wax na moy ki fess delu jeermu de mu koy jallar bi nu ko nex mama bi motax xol non la mel xol da lo tax ni ko tudde xol dafa volatile manam amul taxawul daram taxawul xol ci même tiers bi da ngay gis même seconde bi nit ki jaxla seconde bi ci teggu jaxla gi wañe ko wala mu tegg bi ci teggu muy re bi ci teggu mu commencer tip be ci dess muy commencer content bi ci dess mu commencer mer bi ci teggu manam day def ni Changeant. Tout le temps. Manam motax xol di jugge ci état yu contraire day wul day jallal bi ci digënté état yu contraire motax tay yow borom subhanahu wa ta'ala mën la def nga nek ki nga xamantene moy ki gëna gëm ci seconde bi ci teggu mu jël xol bobu wul beutiko ba mu nek ki gëna ngend yalla segam lool mu mën na nek et vice versa légui lay fekk ben yéfir xolal qissa suraqata ibn malik radiyallahu anhu xolal lol bo xolé di nga gis ni borom bi def doxale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy rañani bi muy astaghfar gaday de comme niko tuwab bi waxe sa tête est mise à prix manam mort ou vif lañ ko bëgg ñu jox la juroom téméri gëlem mort ou vif ku ko indi rek bax na ak mu dund bo ñu indi le mo lu gëna mais bo déwé sax da nga jox gëlem yoy gaaw leen ëcë ku kuy dem gaay nak dem suraqa radiyallahu anhu moko jot ay bu koy dab ci dafa ñew ba tim ko yeenti sallallahu alayhi wasallam suuf jëlal mako manam mu wonna ba ci omi ni après mu djeglu tout mu bayiko nena mu ne ah xeyna lay ki ndegal la mu dakke wat bon affaire bi gëw wonnat ko ba mu yegg ci ndigul li faana mu xamne ki li wor ki deug yenent la mais bi ci teggu munako lan bimu toubé munako lan nga may garantir munako soara moy ki chaîne yi také chaîne kisra mom la lay jox chaîne kisra imaginer ki nga xamantene mom mi ngi ci désert ñukoy daqé muy wara recc taxaw nan la gis nga palais Obama bi amna ay mom Obama amna lu muy décoré wo tous les jours ben voilà tenue yi muy décoré wo han yoy nga xamantene en or la ak nangam yoy yow la koy jox bu tuubé ci tuub ko mom la la garantir né yow dina la ko jox andak té man mangi ci Allah bi ñu may daq ay ño xamantene ay sénégalais ni man ño may daq ma lay wax États-Unis han Allah han président la muy décoré wo mom la lay jox yow ma di la gëm gëm gu changé wul woruma ni li dina am xolal té lolu ci digënté bu gatt la am ci même moment bi la ci même situation bi la eske ngay gisé né borom bi day jallar bi xolé num ko neex instant bi ya quelques minutes mo bëggoon rayen ci sallallahu alayhi wasallam ndax gëmul won dara ci le fait que mu nek yenen ala sallallahu alayhi wasallam wala téré nga xalat ay bo gën ci minde fi yek motax yalla bindu ñok neul waxul yoy mais rek té ab yépp ki waraw rek matna normal matna rek normal rek yow xalatuko ay non nañ ko bayyi mu dam parce que deug lay défendre quand même wala bok amna droit d'expression rek lolu do mu yow bokku won ci say xala ci 1 minute il y a 1 minute wala 2 legui ni nga gëm ne ki yegg na ki mën na la jox yi président amérique di décoré ho té mom mi ngi ci all bi yang koy dakk tay boko jappot legui affaire mu yom fi imagine nga lolu ma dina gëm ci ngi ci borom subhanahu wa ta'ala moy yalla ko di moko def jamono sayyidna umar radiyallahu anhu biñu defé biñu démé fofu ba jël ki ba dugg ci palais Kisra jël ki wo ori chen na ana suraqa mun ni yarante bi li la di won sallallahu alaihi wasallam fekki sa fa ben waw digene Ousmane Abakar ñew la promesse du professeur sallallahu alaihi wasallam ko am ñu ñu te jëbro jëj mu ngi dund bo bobu waw mi ngi dund bo bobu mom xamone la ni ci jotagul affaire bo mom bi ni ah mais ci nga xamé ni kon ngëm légui niki nonu nit day attention ci même période bobu amna ku ñuy wax Ubaydullah ibn Jahsh ko xamantene dafa wedd yalla ko xamantene mom moy ki nekkon borom keuru ki mo won ki Zaid ibn Jahsh han dedet ki la dom Abu Sufyan bi radiyallahu mare non ki la wa Hind la tuddu Hind la mais amna ñu koy ki daqanta la moy soxna yent bi Allah sallallahu alayhi wasallam ah ki way ah magal tuddu Safiya bi tahiya ba yahuduna subhanallah me xeyna amana sama xel mi ngi ni sa affaire ba ngi sama kibi ni si wa ala kulli hal kon mo pourtant hein subhanallah gis nga mom bimu demé dafa wedd yalla dafa dem nek chrétien ben ko dafa def bu ngi demé habasha habasha waaw te xam nga période bobu la parce que ci la ki d'ailleurs motax ñom biñu delu ci dañoo juggé fofu ñew medina directement mais ki nga xamanteni nekku na julit ba mu jaralon ko mu bayyi limu am lepp jugge makka ak nimu niñ ko bëgge won dem aventuré wu ci dem fo xamanteni xamuñu luñ fay fekk yeg na degg dal nañ la bour ba mom commando rek te bañu démé effectivement xaw tuti musiba dal len fa parce que bour bi bu xawon lolu dal mën nañ ni barké yénnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu dal mën na wax parce que sinon lénen loolu lolu xaw tuti bour bi japp len ñom ñep dajé len ray len mom parce que gaay dañu ñew yéfiru makké dañ leena daps comme ni gaay té mo tax sire sire sire sire lu mata jang la li ki di wax Zainul Abidin Ali Zainul Abidin radiyallahu anhu daf ko don wax ni ñun dañu dem jangal khaza ki magazi mo khazawati yi yentib salassam yi xare yi ma sire la parce que sire en réalité lool parce que motax même yenn téré sire yi non lañu tudde al saraya wal magazi moy xare yentib salassam do xare mo dañu ko don jangal comme nit ñi jangale al qur'an ndax am parce que dafa am solo nit ki ndax day tax jamono jo nek gis nga sire soko topon ni jang ko ni da ngay gis ne jamono période bu nek dafa am lu mu tollol ci dundu société bi ni dundu ak époque yi ak jamono manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jamono ji mu dundu non dafa tombe ak lepp li meuna xew xol kéro rek ma ngi koy wax ki amadou sall bi ma nan ko fekk ci affaireu eclipse bi la eclipse solaire xam na phénomène la buy xew ci ben deuk tous les 40 ans wala 43 ans bu xewé man fo mu togal 43 ans do nga xewat xolal yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ci bir jamono bi mu dundu manam ci bir jamono bi mu nekk yenen biñ ko yonne alayhi wasallam ci bir période bi nga xamantene période la quand même bo xamantene fekk na ay julé ak yoy até yi ki sharia yop ñew ci bir 9 ans yoy ci manam 9e année bi manam jour année bi ci téggu rek mo xajatu wala année bi ci téggu rek ci la adjam bobu après ci le génné aduna moy 10e année bi la sax wala 10e année bi wala en tout cas fin 9e année bi début 10e ci la affaire bi amé manam ci la éclipse solaire bobu amé kusuf mu radi wo gaay julli bu mel non ba paré hein kusuf tam amon ci moy wèr tam ni japp ko éclipse lunaire tam manam ci bir temps bobu manam imaginer lolu bu amul won après nan lañuy doxal mais nabi sallalahu alayhi wasallam jamono ji mu dundu lepp ci xew cas de figure yo meuna tek amna période bo meuna indi yentou sallam dundu nako amul lo meuna indi ni situation la muy bu ex ñaar extrême yep nak jamono ji ngay nek ci fiix ak jamono ji ngay nek ci choono jamono ji nga xamantene djubo nga ak say non ak jamono yo xamne say non ñang lay persécuter amul ben jamono bu yentou bi dundul sallallahu alaihi wasallam sahaba radhiyallahu anhu amul période façon dundul yep dunduna sax monogamie ben période bu importante après mu dund polygamie tamit sallallahu alaihi wasallam ha dunduna période yep lepp lu dundu amul lu dundu lay kon nit buñ delu ci waté ci sallallahu alayhi wa sallam moy lek nga xelam and nga ko si bo xese bo fexé bo xamul histoire moy and nga xel fula neex nga koy jëmi amutul am repère amutul repère lavage de cerveau waaw amutul ben repère fula neex nga koy jëmi lula neex mën nga ko ko gëm lo mu nang ko gëm parce que tout simplement xamul histoire xol alquran parti yim ci netali histoire niñ bare waxuma la dara mais ma makhazi xol ghazawati bo xolé yentin sa sa ghazawati hadith ay ci ñew niñu bare xol ghazwatu badar suratul anfal ba mu jeex ghazwatu badar rek la wax ben parti bu ndaw la ci wax ci hijra ben aya la bo xolé sur ok ghazwatu uhud suratu ali imran 60 aya la ci wax liko tambale wa in ghadawta min ahlika tubawu al mu'minina maq'ada lil qital wa la sami'a alim ba 60 aya yi ci tegu ghazwatu uhud rek la wax ghazwatu khanda ghazwatu ki tabuk suratu ki la surtu tawba tabuk te xolal subhanallah liko dalé 37e aya baje 129e aya jeexatalu surtu tawba ghazwat tabuk la wax ñaar ayu ko jitu mu wax ghazwat khunain ghazwat khandaq mo akhza surtu akhza ghazwatu bani nadir mi ngi ci suratul hashr et cetera señ bi xandak moy ba len wéré voilà bon salman al farisi defal ki wa daf len wu dafa wax waw dafa wax daf len ne voilà voilà na nit ne dañ koy def ñun dañ koy faral di def dañuy def di xandak bu ñu voilà fatkh mak tranché fatkh mak inna fatahna lak fatkh min suratul fatkh razaqna muga ti fatkh mak ak yoy et cetera manam nga gis alquran ni mi préoccupé wo ci ghazawati bi ci ba pare bi bu ci wax def ci wax ci lu beuri mais du ko wax comme nan xara bi day bi gaay day ñew ni lañ defé li ko sababalon bi ñu yexé après ni lañ ko defé xex bi ni lañ deur gaay dooranté nañ ray nañu nangam minute fi ray ñaar nangam minute fi après ñu manam comme ñun ni ñuy faral bi retracer guerre wala histoire net mi bi rek deur mo la nit mën na jang alquran te do xam ni fi ghazwat uhud lay wax wala mi ki anfal lay wax surtout ki wala tabuk deur man mi señ bi jang na surtout le maran waye li nga wax ni wax deug yalla nek ci digal so borom ko da xam mako won té ali ibrahim jang nako pas plus que la semaine dernière li ngay wax ni bokku waxu duma ko xam pourtant lire na ay lire na aussi tradition mais xawmako won voilà do ci gis voilà non bo pare da nga dul xamni ci guerre lañ ne voilà man xam nga lolou lu ko waral c'est parce que xara yeen tib sallalahu alayhi wasallam door xare da fay tax tax manam door won rek ay xex ni dede enseignement yi mo upp solo c'est à dire que enseignement yi nek ci bi manam stratégie bi lan motax manam façon bi lan mo indi ñuy xalaté mi lan mo indi ñuy doxale mi ak comportement ak événement sangam wala situation sangam ku ci nek nan nga wara doxale ak li nga xamantene mo nga ci wara tirer maintenant ci digënté ak sa borom fekk ci côté fekk té attention acte fekk yi tamit yu bari ci xazawati lañu génné lañu amé comme lu démé nek tim tabou par exemple xol par exemple ki xol julli mbolo julli ci xaré la julli moy wañu julli bob ci xaré la comme ni ko wax sortu misa ak bo ak tamit jul imam bi ni mu wara julle bu ñu nekké ci situation d'insécurité yépp ci xaré la ñëwé description voilà ak tamit sortu munafiqun situation bu ghazwatu muraysia ah ak ci sortu nur tamit wax na ci lo xamantene mom la concerner ghazwatu muraysia moy histoire sayyidatu aisha radhiyallahu anha et cetera hmm akko dafa dafa jox youtube ri mais motax subhanallah sira kenn du manam do ko jangé rek ni motax comme ni net l'histoire rek wa ok manam day mujjé melni ab lepp buñu net voilà récit ni rek dédé motax sira la tuddu baat bi motax sira histoire dou dal ke ñi ngi génn ki bi non amu solo situation ki mais voilà mais amu ki bi sira moy manam lo xamantene xam nga sira mom moy jikko manam ay jikko lay tek jikko yu sel yu rafet yu manam lool moy sira motax legui lan motax xam xam bi jangale dundu yaronte bi sallam ñu tuddé ko sira té waxu ñuko tarikh histoire wa mais attention alquran buy wax bo serlo du wax ba tarikh qasas lay wax qasas lay wax du wax ha du wax tarikh récit du wax netali rek mais qasas mo do wax histoire mo plural qissa ndax inna fi qasasihim la ibrata لئو الأبصار ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهو دل ورحمة لقوم يوقنون الله سافر وي الله الله خلا لول نت خمغا قصة خمغا بوني فلما قص عليه القصص خمغا قصة باتو قصة اتيمولوجيكمان لي مي تيك ndax qissa mi ngi joge ci qassa qassa etymologiquement limi tek moy top di jeex dara di top dara diko jeex diko fouyé diko fouyé lolou lay tek qissa histoire mi ngi tekki kon manam bu alquran li tax muy jëfandiko baat bobu dalay wone la moy limu firi ne la dafa bëgg netali yoyu nga di ci xol par rapport ak yow ngay fouyété di ci top par rapport ak yow sa histoire sa dundu lan nga koy appliquer man lan ngay mettre en application li nga xamne mom ngay gis ci histoire bi mala netali ci ki yego mo fi qasasihim man sen histoire mune la ibaratan gin nami ak njangat mu reuy mi ngi ci liul albab wala albab man borom xel yu reuy rek ma kana hadithan yuftara du ay lebon li pon ay histoire bu ñu sos amon na fi la nan du lol il était une fois dans la période xawma il était xawma dans la période du immobilio xawma dans la époque du immobilio les époques immobilio wa ok amon lu ngay waxe wa ak gaay ak jadis ak yoy dede affaire du lol ak il était une fois dede affaire du lol deug deug ay jangat lañ pour borom xel yu reuy motax ñoom buñu lire histoire yi meluñu comme ñi nga xamne yoru ñu xel mu reuy nga xamne ñoom histoire yi dañ nan ci passionnance c'est une histoire qui na deug ñoom dañuy xol tout temps lan lañ ci jangat parce que nit ñi tamit c'est selon sen niveau xel tamit lool la man dañuy xol lan lañuy nan lañuy traiter affaire même dans les ci do ko gis boy setan boy deglu journal wala ngay koy setan les setan da nga deglu radio journaux yi ni da ngay remarquer affaire mom solo même journaliste yi nga xamné ki mo ënd gënu reuy xel ké même parfois sen bindi ni ñi bindé parce que da ngay gis ñen ñi comme le comédie mortel lañuy def en fait diw def na li diw wax na li diw ki manam ñom dañuy limité wu rek ci diw ni diw li diw li ni ki li ki wax na li ke tontu nako li ki ni ñom ci lool rek lañuy limité wu en fait jaruñu dara lool da ngay gis ño xamantene ñom da ngay gis ñom manam fey ci bopam mo leen di intéresser koy analyser voilà fey ci bopam mo lañuy analyser diko xol amna ño xamantene sax d'ailleurs ñom conséquences lañu wax causer manam ñom du fièvre rek mo leen intéressé mais lan la manam lan mom mo waral li ak lan moy conséquences ci après manam ñom yoy lañuy xol té yépp dañu mata bayi xam Allah histoire yenenbi sallalahu alayhi wasallam buñ ko jàng motax siro lëg lëg muy déglu gaay yi di way khilas la bi mais tout temps de damay am ki né non c'est dommage que non ligéy biñ ci wara def ba légui defaguñ ko wa ilaha ligéy biñ ci wara def non ba légui gaay defaguñ ko c'est impression et en plus voilà mais parce que ndang man bu sax xala sa kessé mais histoire yentou sa sam dafa jar ça dit que nit ni diko jang mais diko jangat surtout lakh riche bi mu riche ri gi mu ri am solo gi mu am solo yalla ni yalla bolek ñi nga xamantene deug deug parce que dañ koy def royu kay ci bir ci biti ci zahir han uswa yentou sa sam uswa la uswatul hasana moy model ko kay muy yang koy gis tout temps yang ak ay mbiram tout temps manam yang wara nek model lol la model nit buy nek model day fekk limi doxale ngi koy li ci tire ay enseignement yow te bo xolé man dal histoire yentou sa sa bo xolé mbolam xam xam yi ci dess yep boko xolé deug dañuy tourner autour de l'histoire manam même bouré histoire sire manam sire day tourner autour de xam xam yoy mais xam xam yi tam dañuy tourner autour de sire voilà manam mom xam xam la bo xamné dafa central quoi par rapport ak yenen xam xam yi wa alquran lo ci gis aya yi day gis day am période yu muy wacc ak ki day gis même chronologiquement day gis na aya yi ñu ndiko wacc tegu ci sar ñu ndiko wacc tegu ci te yeup day décrire ay circonstances manam day wacc moment bo xamne deug moment bobu la wara wacc ci dundu yam ci sallallahu alayhi wasallam té pourtant ni mu nek ci lawhul mahfouz man ni mu nek kallu borom subhanahu wa ta'ala non nek ci lawhul mahfouz nek non ci baytul azza té mu nek nonu ci suñu tir yi ñu yor du nonu la waccé du nonu la waccé ce qui veut dire que ni jang sira da fay lay permettre nga mëna comprendre nga am une compréhension bu net ci alcorane moy ñu wat du tax ki étape bi te subhana rabbi tay dama doon jangat sahih bukhari def na wer yakarna après di xolat di ci am pour amak yeneen vision bu ki quoi bu voilà bokku tek yu ñëk yi mais dama gis ne même ci côté tarbiyé ni sax côté tasawuf manam tasawuf ma parlant comme on dit hein dit demain que donc ça ouvre ma part là voilà bon c'est qui le quoi j'ai le mot là bo xamné da ngay gis né Imam al-Bukhari rahmalahu limu defare téréem bi da ngay ci jangaté manam ni yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ni affaire yi yexé même ci walu tarbiyé ni sax nit ki daf ci war di mën di inspiré wu surtout bo xolé comme même début bi kitab badul wahyi kitab al-ilmi kitab al-iman et cetera surtout kitab badul wahyi ni al wahyu bi yexé période bi fan la jamono yim fekkone yentibi sallallahu alayhi wasallam et cetera ak tous manam nga gis af mais subhana rabbi da nga yewu ci yalla manam rawati na bo demate ba ci sire yi côté xariye ak magazine et cetera mais subhanallah dundu yentib sallallahu alayhi wasallam benen affaire lool motax min motax yello na ci nak kuy jang sire manam pour xamna tay tay mom suñu jotta ay yalla ñu yalla djegal waye muy répertorier partie alcorane yi manam niñu wacce chronologiquement pas ni mu nekk ni mais niñu wacce chronologiquement ba paré diko tek ci période yi mu ne ci dundu ñam ci sallallahu alayhi wasallam diko analyser wala non en même temps lolu dina ko dimbali lu paré dina tax deug mu am benen vision bu gëna large ci sirriyante bi sallallahu alayhi wasallam té ba paré en plus comme que borom bi subhanahu wa ta'ala moy wacc ay di wax ak mom hein wala mo la wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila hein comme liko alquran waxe gis nga dañ ko takale de nga dañ ko def ay xat diko wacc pandank dank bu ko defé ngay jangal bu ko jangal nit ñi mais muy sax hein bu ko defé man lu wacc rek sax sax ci lan d'abord ci mana bi bala muy sax ci xel yi parce que boudé mokal bi ni rek bu ko waccé won ni mu waccé ni borom subhanahu wa ta'ala yombal nako wala qad yassarna alquran li dhikr fa hal min mudakkir borom subhanahu wa ta'ala yombal na pour jangal alquran mokal ko joy d'ailleurs la preuve en est que ay xalé yo xamantene même musuñu xam lan arab dañu mokal alquran donc lolu du problème bi nekul won fofu ku jappone problème bi fofu la nek c'est parce que da nga comprendre parce que alcorane yombuna mokal même ci mais le fait que mu ko ba pare et en plus amna benen affaire sahaba yi radiyallahu anhum ñom lu upp ci ñom mokul ñu alcorane ni daan and ak yentibi la sallallahu alayhi wasallam daan nek ak mom presque tous les jours lu upp ci ñom mokul ñu alcorane mais c'est parce que xol li ki da no li Ibnu Umar radhiyallahu anhu Ibnu Mas'ud don nako radhiyallahu anhu ñun buñ daan jang alquran Ibnu Umar radhiyallahu anhu ñun buñ daan jang alquran dañ daan ñew par fukki ay lañ daan jang fukki ay daanu ñu buñ jangé fukki ay ba la ñoo dem ci yeneen fukki ye da lañ ko xam japp ko tak ko mokal ko xam manaaye jëfé ko doga jall ci yeneen fukki non lañ dañ jang mo lopp ci ñom moko lu mo wax won c'est ni gëné wa ñu wax ni delu wacc fukki ay lañ dañ jang waaw buñ jangé fukki ay dañ koy japp mokal ko tak ko xam maana yi ci nek jëfé ko doga jallu ci yeneen fukki ay Sayyidna Umar radiyallahu anhu bi mu mokalé suratul baqara dafa ray la fiato ko defna fukki at pour mokal suratul baqara fukki at motax ginna yentou sa sam lako mokal mo fukki at après ñu daan ko juroom ñet at après ci biir en tout cas ci biir mom bi mu nekké khalifa ci lako mokal te fofu la tambalé pour wacc manam du sale ke xam xam li imam az-zuhri wax la rahimahullah boko jeulando way lepp day demando lepp ni tii ko ndank mu dess jeuf serigne méthodologie voilà la lait moy comme waxu waxon nañ ko fi imam abu hanifa rahimahullah mom nim doon jang moy ñetti masala lay jang bes bu jot bu ko wessu ñett rek mais sauf que masala bi bu ko jang du comme rek farata ñap juroom ñaar la mais ngam mu daal di jeuf juroom ñaar moy ben masala ngok dem na sama yoon du lolu da koy jang manam maîtriser ko ci anam go xamne manam les tenants et les aboutissants lay lay la koy ki manam da koy day japp ben sujet kesse ben masala kesse mais tout ce qui tourne ci masala bobu manam ci ay dalil ci deug ray ci leray lepp mu japp ko mais ñet la da jot rek partout ñet partout ñet ñet yu bari hein ñet yu bari non mais bo xolé bu fekkati la ñet yu japp goko deug ni ko wara jappé nga xam ko deug ni ko wara xamé nga tak ko ni ko wara takké so démé trop 10 ans 10 ans am nga 365 jours bu yé multiplié manam tay bu doon ben rek masala ngay jang par jour 365 jours par 10 nga multiplié par 10 nga am 3650 masala yo xamantene yu woru woru wour yo xamne do faté tak nga ko tak bu wër han 3 wa non mais même bu doon ben la tay di nga ci am 3600 langam 50 yo xamne mom leer na ni yi masala mom dafa la leer nañ ba pare xam nga tenant yi aboutissant té yoy non après dañu jur yenen en fait yo xamne dañ do ko jarul nga ci son pour xam ko parce que dañu jur yenen manam yu alex yep day dal di yomb après day facile ci yow parce que japp nga affaire deemu masala bu xawa ñew lu lu nga xam lan mo tont hein lan mais bo mais en tout cas dundu yent bi mom sallallahu alayhi wasallam dafa bok ci li central dafa bok ci li central da xol par exemple day tax nga meuna xam par exemple a hadith yi ci circonstance bi la yow deja bo xamé at bi mu ko waxé da ngay dal di commencer xam circonstance at bobu lan moko xewon nangam ce qui veut dire que ni yow pour nga meuna xam deug deug limu djublu ci wax ji day gëna yomb nga xam manam xolal hadith yi nga dajale len ni ki sirra da façon lu ci upp ay hadith la sirra lolou ay hadith la moy wax ni yent sa xam li la xewon nangam ga même boudé amna ay wouté yow di nga mëna xam wouté lan mo ci deugar en tout cas pour la plupart du temps buñ ko mëna xam su fekente ne da nga dugg ci hadith manam xam xam hadith ñor na la ñing ko xam parce que tera ay alcorane non nga jël len aya bu nek wala per ki yu aya yu ne nga tek ko place am lool lu bare nga japp ngay xam di del wat ci tafsir yi yelo wat ci sharh hadith yi hein comme sirah ni même boko jang comme ni comme masalan khilaf zahab boko jang khilaf zahab ak nga del wat ci tosanam moy mawahibul ladun bu imam al-qastalani rahimahullah mo tosanul khilaf zahab de mom la wayat presque yim ci yok bu beul wu yo xamantene comme sharh bi do bu imam az-zarqani ak sirat al-halabiyya bu ali al-halabi ak shifa bu al-qadi iyad yoyla yoy nonu bon parce que lugha bi moy dess te lugha bi mom nenal bati ci nek ming koy sukkandiko dimbaliko ci tajul arus man al-qamus ak tajul arus bu az-zabidi rahmalahu plus lisan al-arab bu ibn manzur yoy manam bati difficile ñi ngi fofu bo xolé donc après parce que manam soko so ci bolé manam pour lool moy pour so bëgge vraiment explorer ko quoi explorer plus nak leg mu am yo xam tane day jullu ci reene borom et cetera mais chaque bu imam az-zarqani def ci ki bi amna tamit ben téré sir bu am solo bu mo gis bu ki bu as-salih muhammad as-salih talib suyuti bo rahmalahu irsha na irshadu ki momay moy tax mom moy fatte tour bi wa irshadu sari moy tax moy fatte wa yakarna non sax la tudd wala wa irshadu sari wala habiyu sari la tudd mais ci sira la tere bu yeme ci sira la dajala na ci 900 tere yo xamantene mom la 5 dajala mo ci tere bi bolé ko def ay tekantal yu am solo ak ay leral tere bi man yoron nako ci pdf mi deur dama faté nombre de tomi mais suma djumul def na 30 300 wala yu jégué lolou la ci est tom en tout cas man yorna ci benn tom bo xamantene mom yorna ko benn ci adisra wal mi'rat rek lay wax mais da ko japp da ko leral plus def ay yi wax ci lolou mu jangat ko indi ci mais ma sha Allah téré la bo xamné ci sira benn la ci buntu comme ni ma sha'rani wax rabbi Allah ma sha'rani neena borom téré bi astaghfir parce que bo xolé mom jamono ko mom la dund ñoo bokk jamono mu ne téré la bo xamné ci sira benn téré musu ñu mel téré la bo xamantene dajale na 900 téré mom la ci la ko séggé am bo xolé ñoo ñaan ñoo bokk séri ñoom suyuti c'est séri ñoo parce que mam sharani ñoom suyuti zakara ansari ñoo ñu nekkum séri ñoo voilà waxuma Allah donc hein voilà téré bu yéme la bu boko xolé ci net bi ding ko gis man gis yoron ki télécharger won nako pdf bi mais leg leg sa dama ci dan delu lu bari ni diko xol mais subhanallah rabbi téré bu am solo mais en papier mom ben tom bi la ci yow moy bi wax ci isra wal mi'raj musuma gis téré bu wax ci isra wal mi'raj bu baxé ni bob musuma ko gis and ak segg yi ak xam nga rek talib suyuti ku mu nek ci serigne mom yow mom sa fer mom wa ñu ñom fo xamna inshallah bi di ñew nak ñu duggat ci sureti wa ci sunu sureti wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.